corazón nuevo. La somme non tu connais pas, ouais c'est Moha. Aïe qui dit tu fais le zampa. Ish ish gauche droite toi et te hâte pas. Ça fait du 6-9 de gros zone de happy. Naveté tu mets les précis. Moi je veux percher sa mère alors je suis pressé. La vie perd ta tête, elle est compressée. Bécanon brrr, tout est sous cabressant. Gros coup de coude dans ta cabessa. Celui qui tourne la boxe, hey, t'as capté ça. Ça vient de la place rousse, t'as capté gars. Ça vient de la Côte d'Ivoire comme DJ Drogba. Ça vient de la Guinée comme Paul Pogba. 6-9 descend sur la quête là. T'es ma 530 track ta vie qu'il est képi. Rentre sur le ring et il va te guépon. J'ai écrit un petit truc mais je fais les questions. Il va te refroidir si tu crois que chaud. J'ai écrit un petit truc mais je fais les questions. Il va te refroidir si tu crois que chaud. Mais gros je vais te dire pas passer toujours avec mon mot. Rebelle je suis un cartelito. Y'a la frappe et un petit charito. Mais gros je suis un cartelito. Pas passer toujours avec mes frères. I keep middle patate comme Hasuma. I keep middle patate comme Hasuma. I keep middle patate.